Bonjour les téméraires, on finit aujourd'hui notre trilogie Summertime en étrangeté. Je vous ai gardé pour ce troisième épisode une sélection d'une dizaine d'ovnis ou spécimens rares trouvés sur le chemin et qui méritent un coup de microscope. Et aujourd'hui, peut-être encore plus que d'habitude, c'est la même, mais pas pareil. Bon alors comment on s'attaque au groupe des bizarres ? L'exercice va être différent des deux premières parties, puisqu'avec le nombre de cas assez réduit et leurs particularités, je me devais de vous donner quelques infos sur chaque version. Pas de classement, pas de chronologie, juste une exposition des inclassables un par un. Et on commence avec Doing Time. Cette chanson du groupe californien Sublime reprend donc le gimmick mélodique de Summertime, mais avec d'autres paroles. Doing time, ça veut dire faire de la tôle, et notre héros a l'impression que son couple ressemble à un séjour en zonzon. C'est juste un usage de Summertime comme un autre parmi une tripotée de samples, mais c'est assez efficace. One of this morning. Du synthétiseur, plusieurs pistes de voix très proches de nos tympans, un chanteur de plus en plus hurlant, puis un gros kick compressé, c'est brut mais c'est psyché, c'est puissant mais déconcertant, ça monte en puissance vers rien. Voici Geister. On dirait une erreur de choix de chanson, à moins qu'il s'agisse de la bande originale d'une dystopie futuriste façon début années 80 où les héros ressembleraient à Porgy and Bess. Ah, et ça a été fait en 2012, comme quoi le synthrock a des jours inattendus devant lui. Attention, vitamine, mais en super concentré, par une formation hawaïenne baptisée Society of Seven. J'ai failli la glisser dans l'épisode numéro 2, mais ce chanteur ressort beaucoup trop du lot. On oublie presque l'original et même l'instrumentation avec ce généreux cosplay de James Brown. Un synthé ample, une basse lourde, un xylophone, une guitare avec des trémolos, bref une pelletée d'arrangements, Spiral 3, ou Spiral 3, a fait un gros mélange qui fait très New Age. Pourquoi certains sons ont été choisis plus que d'autres ? Chut, vous êtes censé vous laisser emporter par ces bruits naturels dans un flot de réverbération. C'est sûr c'est original, mais aussi assez aléatoire. Vous vous rappelez de The Residents ? On les avait rencontrés dans l'épisode sur Satisfaction. Et bien voici leur nouvelle expérimentation slash troll. Nous sommes en 84, c'est l'ère du synthé mais aussi des chansons qui font peur. Alors voici Creepy Summertime, je dirais, une adaptation qui aurait clairement eu sa place sur un vieux jeu PC. Si vous avez les chocottes des esprits des années 30 qui viendraient hanter votre ordinateur, vous êtes servi. Nous sommes en 2005 et je me demande si ce type de production n'est pas déjà un peu passé de mode. Un mélange d'électro-swing, de dub, de dance, de cuivre à la caribéenne, on dirait le générique d'un jeu télé de l'été. Non, c'est Tape 5, et c'est un bon piège de dance floor. Funboy 3 est un trio britannique qui s'est révélé grâce à la New Wave et nous sort un son bien typique de 1982. Mais l'adaptation est loin d'être cliché, l'instrumentation est variée et originale, ça demande une certaine acclimatation, mais le succès de cette version outre-manche n'est pas surprenant. Summertime peut vraiment s'habiller pour toutes circonstances. J'ai vérifié plusieurs fois si mon fichier n'était pas handicapé ou si mon lecteur n'avait pas la vitesse facile. Mais non, Reinaldo Caballero aime pitcher sa voix comme un messager anonyme. Mais comme il interprète Summertime de façon classique, avec la mélancolie de sa guitare espagnole, eh bien ce choix de trafiquer son chant me surprend. On peut être ni premier ni second degré ? Il fut un temps où tout était synthétisable, et Tainted Love était déjà sorti depuis 5 ans. Vous allez croire que je fais des cas particuliers avec tout ce qui sort des années 80, mais il faut savoir que c'est la période la plus calme en termes de reprise de Summertime. Et c'est assez logique, la démocratisation des sons synthétiques fait qu'on a eu plus envie de jouer à créer des sons qu'à pomper dans le répertoire blues comme tout le monde. Sylvester, chanteur de disco au falsetto remarquable, s'est cru plus malin, et au moins il s'est bien amusé. Yes, it's summertime. Bon, ça c'est une version reggae, il y en a d'autres. Mais celle-ci me fait marrer parce qu'elle fait référence à un autre classique, Summer in the City des Loving Spoonful. Un morceau qui nous dit que les journées sont insupportables en ville l'été, mais que les nuits rattrapent tout. Donc on passe de la douceur campagnarde de Summertime à la chaleur urbaine étouffante de Summer in the City. C'est plutôt brutal comme changement de climat. Et comme je vous en ai pas offert jusque-là, voici 15 secondes de disco. Rien de foufou à l'horizon, c'est une version orchestrale similaire à l'original. Oui, mais on est en 68, alors on n'est jamais à l'abri d'un changement de style brutal. Mesdames et messieurs, Vicky Leandros vous offre la version schizophrène. Et enfin ma carte secrète, celle qui pourrait être le porte-drapeau de cet épisode, une version qui mélange trop de choses pour ne pas être un monstre. Alors attendez, c'est une reprise qui mérite le même respect que les autres, mais vos sourcils auront du mal à rester calmes. Un groupe lituanien des années 90 fait un carton national avec son adaptation hip-hop de Summertime, avec un rap en français et en lituanien. Bravo à Skemp qui remporte un magnifique pack interrogation exclamation et une place de choix dans mon cabinet de curiosité. Le summertime est là, et le soleil tout en haut me le montre. Comment ça va? Je me sens bien, très bien. Il ne me manque rien qu'un pina colada à ta santé. Pas de temps à penser au problème de la cité. Un sombrero sur la tête. Je vais faire une longue sieste. En conclusion, je dirais qu'on peut pas en faire de conclusion. En trouvant des reprises qui datent du mois dernier, je me dis que tant qu'on aura besoin de paroles efficaces et de mélodies mélancoliques, cette chanson pourrait durer des siècles. Je me suis jamais vraiment posé la question de la longévité d'une chanson dans l'inconscient collectif, mais comme les classiques folkloriques du Moyen-Âge trouvent encore leurs heures de gloire aujourd'hui, Summertime devrait revenir chaque été sans qu'on ait eu l'impression que le temps s'est écoulé. Merci d'avoir suivi cette trilogie, on se retrouve à la rentrée avec du nouveau sur Tartine Ta Culture. Salut à tous. More or less destined to get tested. Never been arrested. My album will manifest many things that